le chant et la prière dans l'Occident médiéval. Aujourd'hui, la prière des moines à l'aube du XIIe siècle. Bonsoir. Comme vous avez sans doute eu l'occasion d'en entendre parler à cause des nombreuses manifestations organisées ces derniers mois, le Moyen-Âge est doublement à l'honneur cette année, à cause de deux anniversaires. Les 900 ans de la fondation de l'Ordre de Cîteaux et les 900 ans de la naissance d'Hildegard von Bingen. Deux événements essentiels dans l'histoire de la spiritualité médiévale et deux événements qui sont aussi étroitement liés à la musique. La fondation de Cîteaux d'abord parce que le souci de rigueur, d'absolu, de vie proche de Dieu qui a animé les moines du Nouvel Ordre, ce souci est allé de pair avec une réforme musicale. Il y a eu un chant cistercien comme il y a eu une architecture cistercienne et une spiritualité cistercienne. Quant à Hildegard von Bingen, abbesse bénédictine de Rhénanie, visionnaire, guérisseuse, mystique, personnalité hors du commun, elle a laissé une œuvre musicale profondément originale. Il s'agit de chants monastiques visant à soutenir la contemplation, un chant luxuriant, orné, volubile. Tout cela, nous le verrons pas à pas au fil de cette semaine, en nous plongeant dans cette musique et forcément en suivant la quête de Dieu qui a animé Saint Bernard, Hildegard et beaucoup d'autres avec eux. Le XIIe siècle, leur siècle, a été un siècle d'élan, de foi, de construction, un siècle qui a vu fleurir les abbayes nouvelles et dans les villes, les grandes cathédrales gothiques. Partout, le chant était l'expression même de la prière, on chantait à tous les offices, comme nous l'explique Marcel Pérez, directeur de l'ensemble Organum. Pour comprendre comment s'organise la liturgie catholique, eh bien, il faut avoir en tête que tout office s'articule avec des chants de psaumes et des lectures. Petit à petit, ce corpus va se cristalliser, notamment avec les Carolingiens qui ont voulu tout noter des usages romains, mais qui en même temps les ont transformés dans leur géographie liturgique. Dulce Nomen, Lamentation pour la mort d'Hugues, fils de Charlemagne. Primus in lucidem. hospitem non corpore, Marcel Pérez, quand l'ordre de Cîteaux naît en 1098, quelle est la pratique en général dans les monastères ? Les pratiques sont très diversifiées. Hein. Alors, il y a eu la grande réforme de Cluny, à peu près un siècle, 80 ans auparavant. Cluny qui a essayé d'étendre son hégémonie sur tous les monastères qu'ils ont pu mettre sous leur coupe. Il y avait une grande diversité de pratiques. Alors, cette réforme de Cluny, on en a une petite idée, parce que nous avons conservé quelques manuscrits de Cluny, et surtout, nous avons un manuscrit qui aujourd'hui est appelé le manuscrit de Montpellier, qui est un manuscrit du début du XIe siècle, et qui a passé plusieurs siècles à Dijon, à Saint-Bénigne. Et ce manuscrit est très précieux, parce que il nous donne les mélodies du chant grégorien. Il y a des manuscrits antérieurs, mais qui sont écrits avec des neumes, des signes qui ne donnent pas exactement la teneur de la mélodie. On sait que les notes montent ou descendent, mais on ne sait pas de quel intervalle. Tandis que ce manuscrit, dit de Montpellier aujourd'hui, en dessous de la notation pneumatique, nous donne une notation alphabétique, avec des précisions qui nous permettent de voir que l'échelle utilisée à cette époque était une échelle avec deux demi-tons, un demi-ton large et un demi-ton plus étroit, ou un demi-ton et un quart de ton. Là, les choses ne sont pas précisées actuellement dans l'état des recherches, mais en tout cas une échelle musicale assez complexe qui rappelle beaucoup les échelles musicales en usage à cette époque-là dans les pays arabes. C'est ce qu'on appelle actuellement du chant grégorien, c'est le chant de Rome qui a été exporté par les Carolingiens, plutôt importé dans l'Empire carolingien, qui a été transformé sans que l'on puisse apprécier exactement les contours de cette transformation. En tout cas, le fait est que ce chant dit grégorien, qui est une recomposition romano-franque en fait, s'est répandu un peu partout en Europe, sauf à Rome, où il ne sera introduit qu'à la fin du XIIe siècle et ne finira par s'imposer qu'à la fin du XIIIe et surtout au XIVe et au XVe siècle, avec le retour des papes d'Avignon. Ce graduel Requiem aeternam que nous venons d'écouter est un bel exemple de ce chant grégorien qui se chante un peu partout dans l'Occident médiéval à l'époque où va naître l'ordre de Cîteaux. La France compte alors quelques grandes abbayes bénédictines qui sont de hauts lieux culturels et spirituels. Cluny, bien sûr, mais aussi Fleury, aujourd'hui Saint-Benoît-sur-Loire, ou encore Marmoutier. Chaque abbaye a ses filles, d'autres abbayes plus petites qui sont sous sa dépendance. C'est le cas par exemple de l'abbaye de Moutier-la-Selle, située près de Troyes, en Champagne. Cette abbaye dépend de Marmoutier, et c'est d'elle que va sortir le fondateur de Cîteaux. Quand on pense à Cîteaux aujourd'hui, on pense à Saint-Bernard. En fait, le père de l'ordre, le premier réformateur, est un homme appelé Robert. La figure imposante de Bernard l'a éclipsé aujourd'hui, mais c'est Robert qui a été le vrai fondateur. Il était entré chez les bénédictins très jeune. Il avait passé 35 ans de sa vie à Moutier-la-Selle. Et puis, un jour, épris d'absolu, il a décidé de quitter son monastère. Quando iudes Lorsque Robert est parti de Montiacel pour fonder un autre monastère à Molèm, et c'est là où il a pris son nom de Robert de Molèm, eh bien, les moines ont emporté les livres qui étaient d'usage, parce que dans cette première démarche, il ne s'agissait pas de créer un autre monastère pour faire une autre liturgie, il s'agissait de créer un monastère qui soit, je dirais, encore plus éloigné du monde pour pouvoir rentrer au cœur de cette relation avec Dieu dans ce qu'on appelait à l'époque le désert, c'est-à-dire le désert c'est la forêt, et puis petit à petit ça va devenir les marécages aussi dans l'esprit des cisterciens, c'est-à-dire des endroits qui ne sont pas habités par les hommes. Donc il y a cette volonté de fuir la société humaine pour mieux se concentrer. Et alors, dans leur esprit, au début, il ne s'agissait pas de réformer la liturgie, mais donc de retrouver un mode de vie beaucoup plus proche de la nature. Et donc, ce petit groupe, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 5-6 au début, se sont retrouvés, et bien, ils ont continué à pratiquer la liturgie qui était en usage à Montier-la-Selle. Donc, leur première liturgie qui était ceux de Montier-la-Selle. Lorsqu'ils sont allés ensuite à Cîteaux pour aller encore plus loin, pour fuir le monde, bien, là aussi, ils ont continué tout naturellement. Lazarus, on the mother, J'ai essayé de retrouver des manuscrits de cette époque-là. Nous n'en avons plus de sitôt. Ils ont été détruits, ils ont disparu. En revanche, le seul manuscrit qui nous reste et qui peut nous donner un témoignage de ce qu'a été ce chant, c'est un manuscrit qui vient de Montier-Lasselle, mais qui est du XIVe siècle, voyez, et qui a été noté dans ce qu'on appelle la notation carrée, mais une notation carrée très subtile, très délicate, qui nous donne énormément d'informations sur le style vocal, sur l'ornementation, en fait, tout ce qui fait l'esthétique d'un chant. Alors, c'est du répertoire grégorien standard, à part certaines fêtes qui étaient propres à ce monastère, comme Saint-Frobert ou Saint-Frodobert, qui était le patron de l'abbaye de Montier-Lasselle, le fondateur de ce monastère. Et donc là, c'est un office qu'on ne trouve pas ailleurs et qui est propre. Alors j'ai eu beaucoup de joie de faire revivre cette musique-là, parce que c'est quand même la musique qui a servi de substrat à toute la méditation de Robert de Mollet, mais qui lui a permis d'aller en plus profondément dans cette spiritualité originale. C'est un manuscrit qui conserve, alors chose très intéressante, non pas les pièces de la messe, mais les pièces de l'office, et notamment de l'office de nuit. Et lorsqu'on peut avoir, pour un lieu déterminé, les offices de nuit, on a de grandes chances d'avoir des choses propres. Parce que si le répertoire de la messe est standardisé, vous trouvez pratiquement partout les mêmes pièces. En revanche, pour l'office de nuit, qui est très développé dans la tradition monastique, parce que vous avez 12 réponses. Les réponses sont des pièces qui commentent les lectures pendant l'office de nuit, qui est très long, qui peut durer 2 à 3 heures. Eh bien, ces réponses sont souvent des œuvres issues d'un fonds local. Lorsqu'il s'agit de fêtes de saints qui sont particulièrement vénérées dans un monastère ou dans une cathédrale, eh bien là, on a de bonnes chances de trouver des pièces qui ne font pas partie du répertoire romano-franc standard. Et c'est le cas pour Montier-Lasselle, où nous avons de très belles pièces, notamment pour la fête de Saint-Frobert, le Saint-Patron. Si on voulait dégager une esthétique propre au manuscrit de Montier-Lasselle, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est un peu difficile avec seulement un manuscrit, hein, mais je dirais que c'est un chant très ample, très lent. Par la notation, on s'aperçoit que le débit était lent, et ce qui est souvent le cas. Mais on trouve également un sens du mot médité, c'est-à-dire un mot peut être chanté sur des mélismes très prolixe, et contrairement à ce qu'on entend parfois chez certains commentateurs grégoriens qui expliquent ces mélismes en disant que c'est l'orgueil du chantre qui s'enfle à cette occasion-là, c'est tout à fait un autre phénomène ce qui se passe, c'est-à-dire ces mélismes permettent de rentrer dans le sens du mot, de s'en pénétrer, et même d'aller au-delà du sens du mot, d'avoir une expérience physique, parce que le chant est un acte physique, dans laquelle le sens primitif du mot eh bien rejoint une attitude, une manière d'être, une manière de vivre, de respirer, et dans cet acte-là, les hommes qui pratiquaient ce chant avaient le sentiment de s'immerger totalement dans l'esprit. Le répond de Saint Grégoire que nous entendons a été enregistré en juillet dernier à l'abbaye de Royaumont au cours d'un concert donné par l'ensemble Organum. Auparavant, nous avons entendu des pièces de la messe grégorienne et la lamentation sur la mort d'Hugues, fils de Charlemagne, par Alfred Deller et le Deller Consort. Quant aux voix féminines, c'était celle de l'ensemble Discontus qui interprétait un graduel cistercien du XIIe siècle.